à toi l'Algérien, bonne année à toi le Tunisien, bonne année à toi le dissident, bonne année à toi le Chilien, bonne année à toi le petit Malien, bonne année à toi peuple gitan, bonne année à toi le Cambodgien. Bonne année à toi qui écoute ça. Bonne année à toi le Thaïlandais. Bonne année à toi l'Européen. Bonne année à toi le Hollandais. Bonne année à toi le portugais. Bonne année à toi le mexicain. Bonne année à toi le marocain. Bonne année à toi le libanais. Bonne année à toi le congolais. Bonne année à toi le congolais. Bonne année à toi portoricain. Bonne année à toi la haute-fricain. Bonne année à toi le Nigeria. Bonne année à toi le Gaboni. Bonne année à toi le vieux Guinée. Bonne année à toi punk anarchiste. Bonne année à toi le Libéria. Bonne année à toi le Libéria. Bonne année à toi le Sri Lanka. Bonne année à toi, le Nijambiste. Bonne année à toi, peuple Kanak. Bonne année à toi, peuple Kanak. Bonne année à toi, le Tchécoslovaque. Bonne année à tous les petits dragons. Bonne année à toi qui écoute ça. Bonne année à tous mes followers. Bonne année à toi, pour mon frère.